À la fin, appel à nos correspondants maintenant. Plusieurs coups de feu ont été entendus sur la colline Mugendo Ndengo, en commune de Mugamba, de la province Bururi, le soir de ce mardi. La police à Bururi dit que les militaires étaient à la poursuite d'un malfaiteur et que l'opération n'a pas de lien avec l'arrestation de trois jeunes gens sur la colline Mukike de cette même commune. Une arrestation est intervenue le même soir de ce mardi. Les précisions de Jean-Pierre Misago. Les informations recueillies auprès de certains habitants de Mugendo Ndengo indiquent qu'ils ont été terrorisés par plusieurs coups de feu entendus sur cette colline le soir de ce mardi. Au niveau du commissariat de police à Bururi, l'on confirme l'information tout en précisant que c'était des militaires qui poursuivaient un présumé membre des groupes armés opérant dans Mugamba et dans les environs, un présumé malfaiteur qui est parvenu à se sauver, laissant derrière lui son vélo qui a été récupéré par ces militaires à sa poursuite. Cela n'a aucun lien avec l'arrestation de trois jeunes gens à Mukike le soir même de ce mardi. Les sources policières à Bururi informent que les trois jeunes gens, tous originaires de Kakaranga, ont été arrêtés pour avoir malmené un militaire en tenue civile, lequel militaire est allé alerter ses compagnons d'armes. Ces derniers sont vite intervenus et ont mis la main sur ces jeunes gens qui apaisaient leur soif dans un bistrot. Alors que certaines sources à Mukike parlent de tortures infligées à ces jeunes gens lors de leur arrestation, le commissariat de police à Bururi dit ne pas détenir ces informations puisque ce sont des militaires qui les ont arrêtés. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Cap maintenant sur Bubanza. Rebondissement de la criminalité sur la colline Negitanga en commune et province Bubanza. Un champ de bananiers d'environ un hectare de la famille Wazira Kumbona Joseph a été complètement détruit par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. C'était dans la nuit de dimanche. Il y a deux mois que la même famille accusée de sorcellerie a vu ses quatre maisons réduites en cendres. Space Caritas Kavanyana. Les habitants de la colline Gitanga, zone Muramba, en commune Bubanza, disent que ce qui s'y passe ces derniers jours n'est pas normal. Biyange Marakia, chef de colline Gitanga, déplore lui aussi ce qui s'est passé dans la nuit de ce dimanche. Un champ de bananiers d'un certain Wazira Kumbona Joseph, d'environ 1 hectare, selon ce territoire, a été complètement détruit par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés. Ce chef de colline précise qu'il s'est rendu sur des lieux ce lundi, de même que la police, et ils ont interpellé les victimes à saisir la justice. Il y a deux mois que la même famille a vu ses quatre maisons calcinées et réduites en cendres. Les auteurs des crimes n'ont pas été non plus identifiés, même si les victimes pointent du doigt certains de leurs voisins. Certains membres de cette famille de Wazira Kumbona Joseph, accusés de sorcellerie dans la localité, ont fini par fuir et ils n'ont pas encore regagné leur domicile jusqu'aujourd'hui. Et ce serait même à cause de l'impunité, selon les mêmes victimes qui déplorent ces crimes qui se répètent sans que les auteurs n'en soient inquiétés. De son côté, le procureur de la République dans cette province de Bubanza appelle ses victimes à saisir la justice au lieu de se cacher. Richard Ndayisaba, procureur à Bubanza, recommande également les administratifs à la base de suivre de près cette situation. Fiscalitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. On est à Bubanza, on y reste un instant. L'un des six jeunes ayant perpétré une attaque au domicile d'une encadreuse du lycée Bubanza la semaine passée et qui ont jeté ses affaires dehors a été arrêté par la police au lundi. Cela a été dit par l'administrateur de la commune de Bubanza au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mardi. Ses co-accusés sont en cavale jusqu'aujourd'hui selon les sources policières. Et huit personnes de la colline Shana, en commune Rusaka de la province Mwaro, sont dans la main de la police depuis mardi. Elles ont été arrêtées après qu'une des parties en conflit au sujet d'une affaire foncière ait affiché un comportement de rébellion au cours de la journée de ce mardi, selon les autorités policières dans cette province. Un des policiers a été blessé lors de cet affrontement, comme le précise notre correspondant Laurent Dikourio. Au cours de la journée de ce mardi, les juges du tribunal de résidence de Lusaka en province Mwaro s'étaient rendus sur la colline Shana pour l'exécution d'un jugement rendu au sujet d'un litige foncier. Ces juges ont demandé qu'ils soient accompagnés des policiers lors de cette exécution. Selon le responsable de la police en province Mwaro, vers 10h, une des parties en conflit a empêché ces juges de faire leur activité. Ils sont retournés en arrière et sont allés annoncer le cas à l'OPJ de cette commune. Ainsi, cinq personnes prises comme des promoteurs de cette rébellion Lyon ont été arrêtés par la police. Vers 15h de ce mardi, un groupe d'autres personnes munies de pierres est venu au chef-lieu de la commune pour faire libérer ces 5 personnes qui avaient été arrêtées. Pour les disperser, les policiers ont tiré en l'air, d'après le commissaire provincial de la police, Amoaro. Il précise que lors de cet affrontement, un policier a été blessé au niveau du front suite à une pierre qui lui a été lancée. 3 personnes ont été ensuite arrêtées par la police, faisant au total 8 personnes de cette colline qui sont en train de subir des enquêtes judiciaires. Il conseille à la population de la province de Moaro de ne pas empêcher les activités de la justice, mais de porter plainte auprès de la juridiction supérieure en cas de non-satisfaction du jugement rendu. Il ajoute qu'un autre cas de rébellion avait eu lieu il y a 2 ans sur la colline Nyamigogo, dans la même commune de Rusaka. De Moaro, Laurent Ducru, Radio Isanganiro. Merci Laurent. On termine ce tour de nos correspondants par Karouzi, où 2 familles de la colline Taba de la commune Guiogazi indiquent qu'elles sont en train d'être malmenées par un groupe de jeunes gens non encore identifiés. Elles font savoir que leurs maisons ont été détruites vers la matinée de ce lundi et précisent être malmenées suite à leurs convictions politiques. L'administrateur communal de Guiogazi fait savoir qu'il suit de près cette question et dit qu'il a déjà convoqué certains des accusés. De Karouzi, nous appelons notre correspondant Blaise Pascal Kararoumi. Les maisons de ces 2 familles, de la colline Tava à la sous-colline Kivande de la commune Guihogazi dans la province de Karusi, ont été détruites dans la nuit après minuit de la matinée de ce lundi. Le propriétaire de l'une de ces 2 maisons indique que sa maison était construite en briques cuites et était en cours de construction au niveau de la toiture en émettant des tôles. Jean-Baptiste Hazalimana dit qu'il s'agit d'un groupe de jeunes gens qui sont venus cette nuit et ont attaqué les 2 ménages. Le sien est celui de Doussavé et Dimo, dont la maison a été détruite une partie et les occupants ont pu se sauver, disait-il. Ils indiquent qu'ils ne sont que victimes de leurs convictions politiques. Le chef de colline Tava, Emmanuel Nilagira, confirme la destruction de ces maisons, signala qu'avec le responsable de la police et de la zone Mugogo, ils ont été sur place pour constater les dégâts le même jour de lundi. Il signale que les 2 familles vivaient en harmonie avec leurs voisins et avec toutes les familles de la colline. Les victimes indiquent qu'ils ont porté plainte à l'administrateur communal et au responsable de la police au niveau de la commune. L'administrateur communal de Guihogazi affirme être au courant de cette plainte et il fait savoir qu'ils ont déjà débuté des enquêtes, tout en signalant que certains des présumés coupables qui sont cités au niveau de la colline sont déjà convoqués. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Une nouvelle brève en international avant de recevoir notre invité. L'ONU a annoncé, après avoir admis du bout des lèvres sa responsabilité morale dans l'épidémie de choléra qui a touché Haïti en 2010, importée par des casques bleus de la MINUSTA, la création d'un fonds de compensation aux victimes estimé à près de 9 000 morts, un fonds de près de 200 millions de dollars. Une somme qui viendra s'ajouter aux 200 millions de dollars prévus pour refaire le système d'assainissement des eaux, si l'on en croit RFI, insuffisant, selon l'expert indépendant Philippe Ashton, qui a eu des mots très durs pour l'organisation internationale. Place maintenant à notre invité. À la source, interview. Je l'avais annoncé, notre invité c'est Albert Mbonerané. Il nous parle du danger qui guette les gens qui sont en train de construire des maisons le long de la rivière Nahangwa. Il répond aux questions de Francine Ndihokougayo. Albert Mbonerané, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi le dossier qui concerne la protection de la rivière Nahangwa. Aujourd'hui, des berges de la rivière, des maisons continuent à s'écrouler, mais des parcelles aussi continuent à être distribuées là-bas. Comment voyez-vous la situation aujourd'hui? La situation est très déplorable, mais je dirais que ce qui nous étonne, j'ai l'impression qu'il y a des gens, surtout nos dirigeants, qui ne se rendent pas compte de la gravité de ces catastrophes. Quand vous observez ce qui se passe du côté de Kigobe Sud, ou bien du côté même de Jabé, ou bien si vous montez du côté de Mutanga Sud, il y a des infrastructures qui sont en train de tomber. Je me souviens, dans les années 2003-2005, j'étais en charge du ministère de l'Environnement, et après avoir appris de l'Université du Burundi qu'il y avait une étude qui avait été faite montrant la fragilité et la morphologie de ce bassin de la rivière Ntahangwa, et en collaboration avec la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, nous avions indiqué des zones qui n'étaient pas du tout constructibles. Aujourd'hui, quand vous y allez, ce sont des agglomérations